Thank you. Hello, oh, where Piccolo, petit Quasimodo, oh, oh, oh. Just a gigolo. en été faire un petit tour du côté de Périscope, juste pour décoller. Est-ce que vous connaissez Périscope? Périscope, vous savez, la Périscope. Bien sûr, c'est bien. Je fais de la musique, je réponds des petits sur vos têtes. Manu, oh tu descends. les voit les vacanciers. Vacanciers. Où ça? Up and make me on my island of Spain, and everyone who got the finger to play for I, and I'll be with this wisdom I count the for I, and I'll be one people. Allez, la basse. Ah, c'est pas le bouclier. problème, attends. Oula, j'ai pas bouqué comme il faut, putain. J'en ai fait une connerie. Je crois que j'ai mis une mesure de trop ou de... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, hein? J'ai fait une bêtise, alors je sais pas laquelle, mais... Je vais voir où est-ce que je me suis planté. Attention. Merde, raté. Ah putain, c'est long, 48 mesures. Mm-hmm.